fuite si elle est en vie, pleure là si elle est partie. Prends soin de ta mère petit au lieu d'insulter celle des autres. Le paradis est sous ses pieds mais dans ses sourires aussi. Que la doyenne de la famille reste la reine des nôtres. L'adolescence c'est moche devant elle faire le grand c'est minable. Prends temps de remercier celle qui t'a évité l'orphelinat. Pense à ces moments, à ces sautes d'humeur. Quand tu la déçois tous ses rêves ont peur. Quand tu lui crèves son cœur. Pas la dernière chance, je ne sais pas. Rien ne saurait nous tuer comme je t'aime. Toujours cœur à jurer, je regarderai pas. Je m'en irai récolter. Pense à quand tu faisais le bouffon, que tes sentiments cramaient. Quand la tristesse entamait, son cœur te quittera jamais. J'ai oublié les bases. Mais y'est ma maîtresse, enfant à vie, maman à vie, je veux pas qu'on se tape l'affiche. Sois pas un grand garçon trop con, croyant qu'être fort c'est parfait. Profite de ses bras, l'humble conseil d'un mec qui l'a pas fait. Je t'explique le paradoxe, t'écoute pas quand elle parle. Toi tu pourrais tuer pour elle, là tu la calcules même pas. Pas la dernière, je ne sais pas, rien ne saurait nous tuer comme je avec elle. Quand tu la rends folle, pèse la gravité du problème. Quand la solution s'envole, le cœur froid comme décembre, esprit en flamme comme l'Iblis. Prends soin de la daronne, frère, on en a tous besoin comme ils disent. On a tous la plus belle, hein. Elle joue pas tout en elle, hein. Ramène de l'oseille à ta mère avant de payer ton R1. À t'éloigner d'elle, je te le répète, tu prends du retard. À chercher où tu vas, t'oublies que sans elle, tu viens de nulle part. Pas la dernière, je ne sais pas, rien ne saurait comme je t'aime. Je suis le cœur à durer, je regarderai pas, je m'en irai.